Chapitre 5e. La seule règle que je me prescrivis pour traverser la forêt, ce fut de suivre la direction la plus opposée possible aux routes qui conduisaient au lieu de mon ancienne prison. Après environ 2 heures de marche, j'arrivai au bout de ce canton agreste et je gagnai la partie du pays qui est enclose et cultivée. Là, je m'assis au bord d'un ruisseau et tirant de ma poche un morceau de pain que j'avais emporté avec moi, je pris un peu de repos et de nourriture. Je restai quelques instants dans cet endroit à méditer sur la marche que j'adopterais, et je me trouvais, comme je l'avais déjà été dans une situation presque pareille, disposé à fixer mon choix sur la capitale qui me semblait, outre ses autres avantages, m'offrir plus de moyens de me cacher que tout autre lieu. Pendant que je m'occupais de ces idées, je vis passer deux paysans à peu de distance de moi et je leur demandai la route de Londres. Je compris, d'après leurs indications, que le chemin le plus court était de repasser une partie du bois, et qu'alors il me faudrait nécessairement me rapprocher beaucoup plus que je ne l'étais du chef-lieu du comté. Je ne regardais pas toutefois cette circonstance comme bien importante. Mon déguisement me paraissait un préservatif suffisant contre le danger du moment. En conséquence, sans suivre le chemin le plus direct, je pris un sentier qui devait me conduire au point qu'il m'avait indiqué. Quelques-uns des incidents de cette journée méritent d'être rapportés. Comme je passais le long d'une grande route qui se trouvait sur mon chemin et que je suivis pendant quelques milles, j'aperçus un carrosse qui venait dans la direction opposée à la mienne. Je délibérais un moment en moi-même si je passerais sans rien dire ou bien si je saisirais cette occasion de faire de la voix ou du geste un essai de mon nouveau métier. Mais cette discussion oiseuse me passa bien vite de l'esprit quand je reconnus cette voiture pour celle de M. Falkland. Cette rencontre soudaine me frappa d'épouvante, quoiqu'en y songeant avec plus de sang-froid, il fut difficile d'y voir un danger considérable. Je me retirai de la route et me cachai derrière une haie, jusqu'à ce que la voiture fût tout à fait passée. J'étais trop fortement occupé de l'impression qu'elle m'avait faite pour me risquer à examiner si cet équipage renfermait ou non le terrible ennemi de mon repos. Je me persuadai qu'il y était. Mes yeux suivirent le carrosse et je m'écriai « Voilà le faste et les commodités qui accompagnent le crime, et voici le dénuement et la misère sous lesquels j'ai mis l'innocence. » J'avais tort de m'imaginer qu'il y eût à cet égard, dans ma situation, rien qui me fût particulier. Je rapporte cette circonstance pour faire voir seulement comment les plus petites choses contribuent à rendre au malheureux la coupe de l'adversité encore plus amère. Ce ne fut cependant qu'une idée passagère. Mes souffrances m'avaient appris à ne pas trop m'abandonner au triste plaisir qu'on trouve à se plaindre. Quand mon esprit fut redevenu tranquille, je me mis à réfléchir sur la rencontre que je venais de faire et à examiner si cet événement pouvait avoir quelque rapport à moi. Mais j'eus beau retourner longtemps la chose dans ma tête de toutes les manières, il ne me fut pas possible de rien découvrir qui pût fonder à cet égard une conjecture un peu raisonnable. La nuit venue, j'entrai dans un petit cabaret à l'extrémité d'un village et m'étant assis dans un coin de la cuisine, je demandai du pain et du fromage. Tandis que j'étais à table auprès de ce repas frugal, il survint 3 ou 4 paysans qui venaient manger un morceau après leur journée. Les idées sur l'inégalité des rangs sont de toutes les classes de la société, et comme mon extérieur était beaucoup plus mesquin que le leur, je crus qu'il était à propos de céder la place à cette espèce de gentilhommerie de cabaret et de me retirer dans un endroit plus obscur. Quelle fut ma surprise et ma frayeur quand je les ouïs presque au même instant entrer en conversation sur mon sujet et que je m'entendis, avec quelques légers changements dans les circonstances, désigné sous le nom du fameux briseur de maison Kit Williams. « Au diable, soit le Williams, » dit un d'eux. « Il n'est, ma foi, question d'autre chose. » « Sur mon âme, je crois qu'il fait parler de lui dans tout le comté. »« C'est bien vrai, » reprit un autre. « J'étais à la ville aujourd'hui pour acheter des avoines pour mon maître. Il y a eu une proclamation en fait sur lui. Il y en avait qui croyaient l'avoir attrapé, mais c'était une fausse alerte. »« C'est que c'est une bonne affaire que 100 guinées, » répliqua l'autre. « Je ne serais pas fâché de trouver cela dans mon chemin. » »« Pour ce qui est de ça, » reprit celui qui venait de la ville, « 100 guinées sont aussi bonnes pour moi que pour un autre. Pas moins, je ne saurais dire comme vous. Il me semble que de l'argent que j'aurais gagné en voyant un pauvre chrétien à la potence ne me porterait jamais profit. Bon, Je ne suis pas si dégoûté. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns de pendus, pour que les autres puissent rouler en paix. Et puis, je pardonnerais bien à ce drôle-là toutes ses voleries, si ce n'est qu'il a été assez coquin pour forcer à la fin la maison de son propre maître. C'est aussi trop mal. « mon Dieu, » reprit l'autre, « je vois que vous ne savez seulement pas un mot de cette affaire-là. Je m'en vais vous dire ce qui en est, comme je l'ai appris à la ville. Je doute seulement qu'il ait jamais rien pris à son maître. Mais écoutez, d'abord il faut que vous sachiez que l'écuyer Falkland a été autrefois jugé pour meurtre. Oui, oui, nous savons cela. Eh bien donc, il était innocent de ce meurtre, comme l'enfant qui vient de naître. Mais il paraît qu'il a la tête un tant soit peu frappée, ou quelque chose comme cela, voyez-vous. Si bien donc que Kit Williams... C'est un démon pour la ruse et la malice que ce Kit, vous pouvez en juger, puisqu'il a brisé sa prison pas moins de 5 fois. Si bien donné, comme je le disais, il a menacé son maître de le remettre encore une fois aux assises pour y être jugé. Par ainsi, il l'a effrayé tellement qu'il en a tiré à plusieurs fois de grosses sommes d'argent, si bien qu'à la fin, un écuyer forester, qui est un parent de l'autre, a trouvé tout déniché. Là qu'il a fait un train d'enfer, et qu'il a envoyé bien vite Kit en prison. Et je crois bien qu'il n'aurait pas manqué de le faire pendre, car quand deux seigneurs s'entendent pour mener une affaire, ils ne s'embarrassent guère, comme vous savez, de ce que la loi chante. Ou bien ils savent tellement tordre la loi à leur fantaisie, je ne dirai pas précisément comment ça s'arrange, mais il y a furieusement à parier que le pauvre diable en est bientôt pour son coup. Quoique l'histoire fût ainsi racontée d'une manière très positive et très circonstanciée, elle ne passa pas pourtant sans contestation. Chacune des parties soutint la thèse qu'elle avait mise en avant, et la dispute fut longue et opiniâtre. À la fin, ils se retirèrent tous ensemble, historiens et commentateurs. La frayeur dont j'avais été saisi au commencement de cette conversation était extrême. Je jetai à la dérobée un coup d'œil de côté, que je promenais tout autour de la cuisine pour observer si l'attention de quelqu'un ne se portait pas sur moi. Je tremblais comme dans un accès de frisson, et je me sentis d'abord une tentation continuelle de quitter la place et de m'enfuir à toutes jambes. Je me resserrai dans mon coin, tenant ma tête de côté, et il me semblait de temps en temps que toute ma machine éprouvait une révolution générale. À la fin, pourtant, mes idées prirent un autre cours. Quand je m'aperçus qu'il ne faisait pas la moindre attention à moi, le souvenir de mon déguisement et de la parfaite sécurité qu'il devait me donner revint avec force à mon esprit, et je sentis aussitôt une sorte d'exultation secrète, quoique pourtant je n'osasse pas encore m'exposer au risque d'être observé. Insensiblement j'en vins jusqu'à m'amuser de l'absurdité de leur conte et de toutes les faussetés que je leur entendais débiter avec assurance sur mon compte. Mon âme semblait s'épanouir. Je m'enorgueillissais intérieurement de la tranquillité et du sang-froid avec lequel j'écoutais cette scène, et je résolus de prolonger, et même de pousser plus loin, ce genre de jouissance. En conséquence, dès qu'ils furent partis, je m'accostai de notre hôtesse, une bonne grosse réjouie de veuve, fort résolue, et je lui demandai quelle espèce d'homme ce pouvait être que ce Kit Williams. Elle me répondit que, suivant ce qu'elle en avait ouï dire, c'était un des plus jolis garçons qu'il y eut dans les 4 comtés à la ronde, et qu'elle l'aimait de tout son cœur pour sa subtilité à attraper tous les geôliers qu'on mettait autour de lui et à se faire un passage à travers des murailles de pierre massive, tout comme si c'était autant de toiles d'araignée. Je lui observai que l'alerte était tellement donnée dans tout le pays qu'il ne me paraissait pas possible qu'il pût échapper aux recherches. Cette idée l'indigna. Elle dit qu'elle espérait bien que depuis le temps il était déjà assez loin pour se moquer des recherches, mais que si cela n'était pas, qu'elle souhaitait de grand cœur que la malédiction de Dieu pût tomber sur ceux qui trahiraient un si gentil compagnon que celui-là pour lui faire faire une mauvaise fin. Quoiqu'elle fût bien loin de soupçonner que la personne dont elle parlait fût aussi près d'elle, cependant cette chaleur si franche et si généreuse, avec laquelle elle prenait mes intérêts, me causa un plaisir infini. Je me retirai de la cuisine en emportant avec moi ce sentiment de satisfaction pour adoucir les fatigues de ma journée et le malheur de ma situation. Je gagnai une grange voisine où je m'étendis sur un peu de paille et tombai bientôt dans un profond sommeil. Le lendemain, sur le midi, comme je continuais mon chemin, je rencontrai 2 hommes à cheval qui m'arrêtèrent pour s'informer à moi d'une personne qu'il prétendait avoir dû passer sur cette même route. À mesure qu'il détaillait le signalement de la personne, je m'aperçus avec un saisissement de frayeur que j'étais moi-même l'individu que leur question avait pour objet. Ils entrèrent dans une description assez exacte et assez circonstanciée de tous les signes qui pouvaient servir à me faire reconnaître. Ils ajoutèrent qu'ils avaient de bonnes raisons pour croire qu'on m'avait vu la veille même dans un endroit de ce comté. Pendant qu'ils parlaient, une troisième personne qui était restée derrière se joignit à eux, et ma peur augmenta furieusement quand je la reconnus pour ce même domestique de M. Forrester, qui était venu me voir dans ma prison 15 jours avant ma fuite. Ma meilleure ressource dans ce moment de crise est de prendre un air de tranquillité et d'indifférence. Heureusement pour moi, mon travestissement était si complet que l'œil même de M. Falkland eut eu peine à me deviner. Depuis longtemps, j'avais prévu qu'un tel secours pourrait me devenir nécessaire, et j'avais de bonne heure préparé mes mesures pour me le procurer. J'avais eu, dès ma première jeunesse, une extrême facilité pour l'imitation, et quand je quittais l'asile que m'avait donné M. Raymond, j'adoptais avec mon attirail de mendiant une sorte de maintien gauche et villageois auquel j'avais recours pour peu que j'eusse à craindre d'être observé, ainsi qu'un baragouin irlandais que j'avais occasion d'étudier dans ma prison. Voilà pourtant les misérables expédients, voilà les études d'artifice et de dissimulation auxquelles l'homme qui ne mérite ce nom qu'à cause de la fierté et de l'indépendance de son attitude, est quelquefois obligé de recourir pour échapper à l'animosité implacable et à la barbare tyrannie de son semblable. Je m'étais servi de ce jargon dans la conversation que j'avais eue au cabaret, quoique je n'ai pas cru nécessaire d'en faire mention dans mon récit. Le domestique de M. Forrester s'aperçut en arrivant que ses camarades étaient en conversation avec moi, et devinant bien quel en était le sujet, il s'informa s'ils avaient découvert quelque chose. Il ajouta ce que les autres m'avaient déjà appris, que la résolution était bien prise de n'épargner ni soins ni dépenses pour me trouver et me faire pendre, et que si j'étais dans quelque coin du royaume, ils étaient bien convaincus qu'il me serait impossible d'échapper. Ainsi, chaque nouvel incident qui s'offrait à moi tendait à me frapper l'esprit de plus en plus du danger extrême qui m'environnait. J'aurais pu m'imaginer presque que j'étais le seul objet de l'attention générale et que le monde entier était en armes pour m'exterminer. Il n'y avait pas en moi une fibre qui ne tressaillit de douleur et d'effroi à cette idée. Mais quelque épouvantable qu'elle parût à mon imagination, elle ne servit qu'à m'animer avec encore plus d'énergie à la poursuite de mon plan. Je me sentis plus déterminé que jamais à ne pas volontairement abandonner le champ de bataille, c'est-à-dire, en d'autres mots, abandonner mon col à la corde du bourreau, en dépit de l'immense supériorité de mes adversaires. Mais si ce qui venait de m'arriver ne changea rien à mes projets, au moins m'engagea-t-il à revoir de nouveau les moyens d'exécution qui étaient à ma portée. La conclusion de cette révision fut que je me déterminais à prendre ma course vers le port de mer le plus voisin du côté de l'ouest de l'Angleterre et à me transporter en Irlande. Je ne saurais dire à présent ce qui me porta à préférer ce plan à celui auquel je m'étais arrêté dans l'origine. Peut-être que ce dernier, ayant occupé depuis quelque temps mon imagination, me sembla par cette raison plus facile à deviner que l'autre, et qu'en substituant le second à sa place, je crus trouver dans cet arrangement une plus grande complication de mesure que mon esprit ne s'arrêta pas à analyser. Sans autre empêchement, j'arrivai au port où j'avais résolu de m'embarquer. Je trouvai un vaisseau tout prêt à lever l'ancre dans quelques heures. Je demandai le capitaine et je fis marcher avec lui pour mon passage. L'Irlande avait pour moi le désavantage d'être une des dépendances du gouvernement britannique et, par conséquent, de m'offrir moins de sûreté que la plupart des autres pays qui sont séparés de l'Angleterre par l'océan. À en juger par l'activité avec laquelle j'étais, à ce qu'il semblait, poursuivi dans ce royaume, il n'était pas hors de vraisemblance que l'acharnement de mes persécuteurs vint me chercher jusque sur l'autre côté du canal. Néanmoins, c'était une idée un peu consolante pour moi de songer que j'étais sur le point d'éloigner d'un pas de plus ces affreux périls dont l'image me tourmentait sans relâche. Y avait-il quelque danger possible à craindre dans cet intervalle si court qui avait à s'écouler jusqu'à l'instant où le vaisseau lèverait l'ancre et quitterait le rivage de l'Angleterre? Aucun, vraisemblablement. Il s'était passé très peu de temps entre ma résolution de m'embarquer et mon arrivée au port, et si mes persécuteurs avaient pu recevoir quelque nouvel avis, ce ne pouvait être que quelques jours avant, de la part de la vieille. J'avais tout lieu d'espérer de les avoir passés en diligence. Néanmoins, pour ne négliger aucune précaution raisonnable, j'entrai à l'instant à bord, résolu de ne pas m'exposer inutilement à quelque fâcheuse rencontre en me montrant dans les rues de la ville. C'était la première fois que j'eusse pris congé de mon pays natal.